Osmose. Osmose Radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Of blood to terrorize your neighborhood. crazy ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Bonsoir à tous mes petits loups. Ah, je ricane moins bien que le garçon dans le morceau qu'on vient d'écouter. Bonsoir à tous mes petits loups, disais-je, c'est Stéphane pour vous accueillir sur Osmose Radio pour une heure de rock et de new wave avec une petite ambiance un petit peu spéciale ce soir de 1er novembre de Toussaint. Je suppose que vous avez fait le pont mes petits loups pour beaucoup d'entre vous avec ce grand week-end de la Toussaint. Aujourd'hui c'est le dernier jour, mardi 1er novembre, et bien moi je vous propose de faire le pont aussi, mais bon, plutôt le pont qui est décrit dans les enfers de Dante, vous savez, les passerelles qui enjambent les fossés où rugissent les damnés. Et justement, ça va rugir ce soir dans la playlist avec des damnés et des groupes qui seront sans doute un petit peu possédés. C'est l'impression qu'ils donnent en tout cas. Et on a commencé avec ce morceau mythique pour nous mettre dans l'ambiance, Michael Jackson avec Thriller. C'était Michael Jackson à l'époque où il avait encore besoin de maquillage pour être effrayant. 10-15 ans plus tard, il était tellement passé sur. Il avait tellement subi de chirurgie esthétique qu'il n'avait plus besoin de tout ça pour nous faire peur. Voilà, on va continuer toujours dans cette ambiance Halloween, et puisque les sorcières et les monstres, etc., sont à l'ordre du jour aujourd'hui, ce soir, dans la playlist, eh bien, je vous propose de continuer avec des sorcières et de les brûler, ces garces, avec le groupe Queen of the Stone Age. On retourne un peu à l'ambiance des sorcières de Salem, des procès du 16e siècle, tout ça, avec le titre Burn the Witch. To lie, to cross, the heart and hope to die. Brûlons les sorcières, Burn the Witch, avec ce titre un petit peu retouché de Queen of the Stone Age, qui nous emmenait dans les grandes plaines poussiéreuses du fin fond des États-Unis. Queen of the Stone Age, un groupe que je vous avais déjà ramené une paire de fois, je crois. Bref, et que je vous ramènerai encore, bien entendu, un groupe stoner américain, avec lequel on continue cette playlist Halloween ce soir, avec ce titre Burn the Witch, puisque des sorcières, il va en être question dans la playlist, avec d'autres petits monstres, bien entendu. Désolé pour l'absence de la semaine dernière, chers amis, hein, j'ai eu un imprévu. En fait, c'était mon grand-père, hein, là, puisque la Toussaint, c'est un petit peu la fête des morts, les petits farfadés qui nous font des farces, etc. Ben, mon grand-père m'a fait une dernière farce, hein, après m'en avoir fait beaucoup quand j'étais petit. Il est mort, voilà, comme ça, sans prévenir. Il y a des gens. Et du coup, j'étais un petit peu indisponible la semaine dernière. Puisqu'en l'occurrence, la fête des morts portait bien son nom. Repose en paix, papy, et merci pour cette dernière petite fantaisie. Mais bon, heureusement, vous avez quand même une playlist à écouter mardi dernier, puisque les gentils techniciens d'Osmos Radio vous avez préparé une rediffusion de ma playlist Halloween que j'avais fait en 2014. Mes gentils techniciens d'Osmos Radio, Noureddine et Abel, qui eux aussi sont un petit peu effrayants à leur manière, hein, puisqu'à force de rester les yeux rivés à leurs écrans, ils ont des grandes cernes, et à force de fumer de la drogue, ils ont les yeux rouges. Pas vrai, les gars, hein? Voilà, vous pouvez entendre rugir, ils ont les dents jaunes, vertes, enfin bref, c'est sympathique ici dans Osmos Radio. Voilà, chers amis, et bien puisque, comme je vous le disais, ce soir une playlist un petit peu aux couleurs de la Toussaint, aux couleurs d'Halloween qui avait lieu hier soir. Et on va continuer, alors puisque Queen of the Stone Age nous emmenait souvent dans les ambiances un petit peu du Far West, et bien on va continuer avec un groupe qui lui en fait autant, mais un groupe français, celui-là, Monster Club, avec le titre Halloween. Pretty in a casket. Pretty in a casket, jolie dans un cercueil bébé, t'es tellement jolie dans ton cercueil. Alors si vous vous dites ça, de deux choses l'une, hein, soit vous sortez avec une vampire, auquel cas ben, je vous souhaite bon courage, vous devez vous faire sucer, bande de gros dégoûtants, et sinon ben, vous êtes un psychopathe et vous sortez avec une fille qui est morte mais qui ne le sait pas encore. Et à ce moment-là, hein, vous plagiez un petit peu Ken le survivant, hein, comme il disait, il est déjà mort mais il ne le sait pas encore. Et puis un petit peu plus tard, il disait « Les temps comme les œufs sont durs hein, ». Mais bon, ça c'était dans le doublage français, c'était pas dans la version originale. Si ceux qui ont vécu les années 80 se souviennent peut-être de cette série d'animation, Ken le survivant, hein, qui était horriblement lamentable, ou lamentablement horrible, ça dépend. En tout cas, je vous invite à aller redécouvrir ça vous-même sur YouTube. Voilà. Écoutez, hein, de l'horrible, il y en a une question ce soir. Alors pas de l'horrible dans le sens des morceaux, des musiques pourries, tout ça. Je vous garde ça pour le 1er avril. Ce soir, il est question d'horreur. Musical, mais d'horreur, dont des musiques dont le thème est l'horreur, justement, puisque c'est la playlist de Halloween. Et donc, pour commencer, le Psychobilly est vraiment le style musical qui correspond à cette thématique-là. Et forcément, j'allais forcément vous en ramener un peu avec notamment ce groupe que j'aime bien, Blitzkid, et le titre qu'on vient d'écouter, Pretty in a Casket. Et c'est enchaîné juste avant avec un groupe rockabilly, celui-là. Le rockabilly, donc ce rock'n'roll inspiré, très inspiré des années 50, et le Psychobilly est une forme un peu dégénérée de ce dernier style. Monster Club, le groupe français de rockabilly Monster Club avec le titre Halloween. Voilà, du rockabilly, du psychobilly, et vous aurez d'autres nuances un petit peu plus tard. Pour le moment, eh bien, on va rester un peu dans ces thématiques gothiques, tout ça, avec un groupe de rock gothique justement d'Amérique du Sud, qui nous vient d'Uruguay, en fait, de Montevideo, et qui avait fait, il y a quelques années, en 2005, une reprise de David Bowie. En fait, c'était un label argentin qui avait fait une compilation qui s'appelait El Hombre que Conquista el Mundo. Et en fait, c'était un hommage à David Bowie, où des tas de groupes d'Amérique du Sud reprenaient ses chansons. Il y avait notamment ce groupe d'Uruguay dont je vous parlais un instant, qui s'appelle... Je rigole pas, c'est vraiment le nom du groupe. Et on écoute ça tout de suite, Scary Monsters. I kissed her as she lay there in the coffin. And her lips were cold. Dead Bride, la mariée morte. Ça aurait pu faire la musique du film de Tim Burton, Les Noces Funèbres, mais en fait non. C'était tout simplement le groupe Cult of the Psychic Fetus, avec un groupe californien en fait, qui fait un style qui quasiment conçu sur mesure pour lui. Ils appellent ça du gothabilly. Donc je vous ai dit, il y avait le rockabilly, très inspiré des années 50, le psychobilly, qui est une forme un petit peu dégénérée, où il est toujours question de films d'horreur, de thèmes un petit peu morbides, etc., des zombies et tout, des vampires. Et donc il y a le gothabilly, qui lui est un rockabilly, mais joué par des gothiques. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et visuellement, le groupe, vous imaginez Oncle Fétide dans La Famille Adams, qui prend une basse et qui se met à chanter. Ben voilà, le leader du groupe Cult of the Psychic Fetus rappelle un petit peu ça. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance Famille Adams, avec des morceaux très rock'n'roll, des thématiques tout à fait macabres. Et en l'occurrence, là, on vient d'écouter Dead Bride, la mariée funèbre, en quelque sorte. Voilà, chers amis. Bon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur Osmose Radio, vous êtes bien dans l'heure du loup avec Stéphane ce soir pour une playlist Halloween, puisque on est en fin de week-end de la Toussaint. Et donc le 31 octobre c'était Halloween, le 1er novembre c'est la Toussaint, le 2 novembre c'est le Dia de los Muertos, qui est une spécificité mexicaine et qui fera l'objet d'une playlist la semaine prochaine. Pour le moment c'est la playlist Halloween ce soir, une petite sélection musicale que je vous ai fait dans ce thème là. Et je vous disais que hier soir c'était Halloween, d'ailleurs je vous avais annoncé sur les réseaux sociaux que vous suivez sans doute, sur Twitter ou sur Facebook, vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux l'heure du loup, et je vous avais annoncé une soirée vraiment intéressante qui avait été organisée par l'association Deviant Zone, qui organise des projections au cinéma Le Pandora à Avignon. Et notamment ils avaient fait une soirée Halloween l'autre soir, où ils avaient passé un vieux film de Brian De Palma. Et ils avaient fait un concert aussi avec un groupe de métal expérimental. Moi, j'avais pas pu être à cette soirée. Si vous y étiez, venez sur les réseaux sociaux pour me raconter comment c'était, parce que je serais vraiment curieux de savoir ce que ça donnait, voilà, cette soirée-là. Je ferme cette parenthèse et maintenant je continue. On va changer un petit peu de style avec un peu de métal, puisque de temps en temps, les groupes de métal se mettent un petit peu à l'unisson de ces thématiques-là, notamment le groupe Seraphim Shock, dont je vous avais déjà parlé parce qu'ils ont fait la bande originale d'un jeu vidéo où il était question de vampires. C'est le jeu vidéo Vampires The Masquerade, qui était en fait un jeu vidéo inspiré d'un jeu de rôle qui lui-même était inspiré du cinéma d'horreur, tout ça. Donc vous voyez, les différents arts se recoupent. Et là, ce soir, il est question de musique avec ce groupe Seraphim Shock, qui sortait en 2004 un album qui s'appelait Halloween Sex and Vegas. Et tout de suite, on écoute le titre Halloween Girl. Dead too. Oh, Got Minister, ce groupe de metal indus avec le titre March of the Dead, et c'était enchaîné juste avant avec un autre groupe metal, Seraphim Shock, avec le titre Halloween Girl. Got Minister, March of the Dead, la marche des morts. C'était, je vous balance ça parce que c'est un petit peu pour compenser le fait que la plupart des zombie walks sont annulés, un peu partout en France et en Navarre. La zombie walk dont j'avais reçu d'ailleurs les organisateurs pour celle d'Avignon sont annulés à cause de l'état d'urgence depuis l'an dernier. Sinon du côté de Bordeaux, du côté d'Avignon, elles étaient annulées. À Nîmes, elle avait eu lieu l'année dernière, mais elle a été annulée cette année, il me semble. Et ailleurs aussi, sans aucun doute. Donc voilà, vous pourra pas croiser des gens en décomposition qui déambulent dans la rue de la République cette année encore, malheureusement. Par contre, à la télévision, on peut voir les débats sur les primaires de la droite. Et là, on a des candidats qui ont des idées en décomposition et qui sont complètement has-been. Mais bon, c'est les seuls à pas s'en apercevoir. Ça, par contre, c'est autorisé, allez comprendre. Bref, c'est comme ça, c'est la France. Et donc voilà, March of the Dead, la marche des morts, ce morceau, pour compenser un petit peu les zombie walk qui n'auront pas lieu. On a la nouvelle saison de The Walking Dead à la télé, ça compense un peu, ça nous console en quelque sorte pour continuer vers la fin de cette playlist qui se profile. Tout à l'heure avec Noureddine, un des gentils techniciens d'Osmose Radio, on parlait des légendes urbaines. Puisque je parle d'Halloween et de thèmes un peu macabres ce soir, on aime tous jouer parfois à se faire peur, notamment quand on était enfant, avec des trucs gentiment sinistres, spooky comme disent les anglo-saxons. Alors c'est tantôt des contes et légendes, c'est tantôt des films d'horreur, et parfois c'est aussi des dessins animés dont certains ont traversé les générations. J'en veux pour preuve le fait que Scooby-Doo, la série qui était sortie par Hanna et Barbera en 1969 et qui a traversé les années 70 avec ses quatre Zuluberlus dans leur petit van et qui affrontait toujours des mystères mystérieux, à la fin ils démasquaient le méchant, etc. Enfin, vous connaissez le topo, vous avez vu Scooby-Doo. Et bien cette série qui date quand même de quelques dizaines d'années, avait fait l'objet d'un remake en fait dans les années 2000. Et donc voilà, les graphismes avaient été un petit peu renouvelés, mais les thématiques étaient peu ou prou les mêmes. Et c'est le groupe Sky Cycle qui avait fait la bande originale de ce dessin animé, de cette nouvelle série d'animation. Et le titre c'était It's Terror Time Again. J'ai découvert ça sur YouTube par hasard. Et ils ont fait une version longue. Ce soir, je vous balance la version courte qui correspond au générique. Tout de suite, la bande originale de Scooby-Doo. You hear the screeching of an owl, you hear the wind begin to howl. All the trees begin to moan, and the monsters grunt and groan, rotting faces full of slime, don't you know it's terror time? Pour botter des culs et distribuer des bonbons. Mais j'ai plus de bonbons. Je suis venu pour botter des culs et distribuer des bonbons, mais j'ai plus de bonbons. Vous imaginez Clint Eastwood qui parle à des gamins qui viennent lui demander des bonbons à sa porte pendant la période d'Halloween, comme c'est l'usage depuis quelques temps. Eh bien voilà, c'est un petit peu l'objet de cette parodie que j'ai découvert sur internet par l'équipe de Golden Moustache. Une parodie donc des thématiques d'Halloween que je vous propose moi aussi ce soir. Si ça vous intéresse, évidemment, je vous mettrai la vidéo en lien sur le Facebook de L'Heure du Loup. Et juste avant ça, c'était Sky Cycle avec le générique de la nouvelle série Scooby-Doo, hein, qui nous a tous fait gentiment frissonner quand on était petits, It's Terror Time Again. Alors, ouais, on parlait tout à l'heure des légendes urbaines, tout ça, on parle aussi parfois de creepypasta, on en a tous des histoires comme ça, des histoires très très courtes en général, qui sont assez sympas. Et une notamment que moi je connais, mais vous êtes libre de venir partager les vôtres évidemment sur les réseaux sociaux avec Osmose Radio et l'heure du loup. Eh bien, une que j'avais bien aimée, moi, c'est le dernier homme sur Terre est assis tout seul, tranquille, dans son salon. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Voilà, je l'aime bien celle-là. De votre côté, vous devez en avoir aussi. Et bon, bah écoutez, la fin de l'émission s'annonce, s'approche, chers amis. Et jusqu'à présent, je vous ai diffusé beaucoup de musique. De temps en temps, pendant les émissions spéciales, je vous passe des créations audio parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les feuilletons radiophoniques, etc. J'ai eu l'occasion notamment de vous parler du Donjon de Nahulbeuk, par exemple, qui est un feuilleton radiophonique assez célèbre, très très connu sur Internet. J'ai eu l'occasion de vous passer d'autres choses aussi. Et bien ce soir, je vais vous passer un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, par contre qui est extrêmement perturbant. Une création audio radiophonique, une création audio disponible sur YouTube, mais qui est vraiment une création qui est conçue pour faire froid dans le dos, quoi. Encore pire que la version de La Guerre des Mondes par Orson Welles dans les années 30, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, franchement, si vous quittez l'émission maintenant parce que vous êtes un peu pétochard, je ne vous en voudrais pas. Et si vous préférez décrocher d'Osmose tout de suite, eh bien, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine. Veuillez laisser un message après le bip. Ouais, Lucie, c'est Tom. Bon, vas-y, enfin, je pensais que t'allais répondre. Du coup, rappelle-moi toi. Allô? T'as tellement flippé. Putain, c'est tellement pas l'heure de faire ce genre de blague. Oh, ça va. Chez moi, il fait jour. Oui, bref. Tu vas bien? Ça va, et toi? Tout se passe bien à New York? Yes, everything is great. Bon, cool. Et toi, à Paris? Moi, toujours pareil, toujours pareil. Cool. T'as vu les infos? Les témoignages, là? Vous les avez aussi, là? Ouais, c'est bizarre, putain. Ça me fait flipper. Hein. Ouais, t'inquiète, c'est comme 2012, ça va passer. Je peux te parler quelque chose? Hmm? Je peux te poser une question? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de notre situation en ce moment? Comment ça? Bah, t'es à New York, je suis à Paris, ça fait 5 mois qu'on s'est pas vu. On va tenir, ok? C'est pas facile, mais on le savait à la base, hein. On a choisi de rester ensemble, on va rester ensemble. T'as pas l'air épanoui. Bah, Tom, on se voit plus, donc forcément c'est pas la joie. Oh. Mais je vais bientôt pouvoir revenir. On va se voir, ça verra comme avant. T'as dit quoi? Je t'ai pas entendu ça. Tout va redevenir comme avant. Tu vois que je fasse rentre. Non, je t'entends mal. Ouais, je t'ai perdu. Lucie? Il y a quelqu'un dans mon jardin. T'as vu quelqu'un dans ton jardin? Ouais, je passais par le salon, j'ai vu une silhouette. Je me suis cassé direct. Il est toujours là? Je sais pas. Il faisait quoi? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. Appelle les flics. Tu crois? Oui, appelle les flics, il faut mieux être sûr. Ok, ouais, je les appelle. Je te tiens au courant. Alors? Attends, Laura, je te rappelle, elle a appelé les flics, là. Non, mais pourquoi elle a appelé les flics? Parce qu'il y a quelqu'un dans ton jardin, apparemment, je sais pas. Mais comment ça? Je sais pas, Laura, je sais pas, ok? Et enfin, tu l'as dit, pour nous? J'ai essayé, ok, mais elle voulait rien savoir. Elle veut rester avec moi. Non, mais attends, moi j'ai pas envie d'attendre qu'elle revienne pour te user. En fait, j'ai envie d'être avec toi sans qu'elle t'arrête le message. Je sais, mais j'aime pas dire ça au téléphone, ok? Bon, écoute, les parents du gosse, ils vont pas tarder, je pense. Tu t'es fait combien ce soir? Normalement 50 euros pour la nuit. Ok. Ça te dérange si tu t'attends pas pour dormir? Non, t'inquiète. Non, je te rejoindrai. Merci, putain, je suis crevé, je suis mort. Et tiens-moi au courant quand même pour Lucie, j'espère que ça vient son histoire de mec dans le jardin. Ouais, allez, bisous. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À toutes. 911, what's your emergency? Yeah, hello. I think there is someone in my garden. What is your location, please? I live at 5 Ferry Street. Is the intruder still on the premises? I don't know. Can you check, ma'am? Yeah, wait a minute. He's still here. Okay. Oh, God. He is big. Okay, stay in the house. Do not try to go outside. He must be at least 6'9" or something. That's crazy. Can you describe the intruder? No, he's in the dark. He's not moving at all. Can you send someone, please, just in case? Okay, help is on the way, ma'am. Is the intruder armed? I don't think so. But he seems to have very long arms and big hands. Okay, please stand back from the window and lock yourself in a safe room, ma'am. He's moving. Oh, God. Ma'am, lock yourself in a safe room. What is the intruder doing now? He's looking at me. Okay. His eyes. Okay, stay clear from him. He may be dangerous. Keep talking to this guy with me, ma'am. This is not human. Ma'am? Ma'am? Is she right? I don't know. She's not answering. Ah! Vous avez eu peur, hein, chers amis. Eh bien, c'était un petit peu le but avec cette création audio qu'un jeune homme a réalisé, qu'il a mis en ligne. C'est relativement récent, en fait, il y a 2 semaines. Et ça s'appelle Calls, puis donc une succession d'appels téléphoniques qui empirent, hein, qui vont de pire en pire et qui correspondent un petit peu à une espèce d'invasion alien sur Terre, qu'on peut deviner comme ça au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vous n'avez pas fait un arrêt cardiaque par ma faute. Si c'est le cas, ben écoutez, c'est comme ça qu'on perd des auditeurs, hein. Et voilà, donc ça correspond un petit peu, hein. J'espère que je n'ai pas répandu la panique parmi les auditeurs d'Osmose, un petit peu comme Orson Welles l'avait fait avec sa version de La Guerre des Mondes dans les années 1930. Sur France, en France, on avait France Culture à une époque qui diffusait comme ça des sagas audio ou des créations radiophoniques qui faisaient un petit peu flipper. Et bien sur Osmose, on n'est pas en reste avec cette création qu'on vient d'écouter, dont je vous donnerai les références bien entendu sur le Facebook de L'Heure du Loup. Voilà, chers amis. C'était une playlist, une sélection musicale Halloween ce soir avec Stéphane, avec Abel et Noureline à la régie. Et pour conclure, eh bien, comme à notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu différent, mais qui restera dans la thématique Halloween, un petit peu spooky, un petit peu sinistre, un petit peu funèbre, un petit peu horreur qu'on a exploré ensemble ce soir. Et on va se quitter avec une musique Alfred Hitchcock, qui lui aussi est un maître du suspense. Alfred Hitchcock utilisait dans certains de ses films, en fait il s'agit d'un morceau du 19e siècle par Charles Gounod, c'est la marche funéraire pour une marionnette. On va se quitter avec ce thème là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une mission qui sera un petit peu dans la continuité de celle de cette semaine, puisqu'il sera question du Dia de los Muertos, des groupes mexicains ou des groupes qui s'inspirent de cette tradition funéraire mexicaine qui est un petit peu le Halloween des Aztèques et des Mayas. Voilà, chers amis, là on se quitte avec Charles Gounod, la marche funéraire pour une marionnette. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.